Bon après-midi et merci pour votre fidélité, les 13h15, le journal français de cette 9e mi-journée du mois de septembre 2021. Vous recevez Willy Sindayeboura à la présentation de l'autre côté vitré. Nous sommes avec Billy Rodriguez Nabandana. D'abord, le sommaire de ce journal. Pour bien lutter contre la corruption, les hauts cadres du pays devraient déclarer leurs biens, affirmation de l'ONG locale Parsem. Vous entendrez Faustin Dikouman, directeur national de la Parsem, dans cette édition. Les habitants de la commune Rusaka, province d'Omar, s'apprête à pardonner à ceux qui ont assassiné les leurs en 1972, mais aussi la sévère commission Vérité et Conciliation devrait construire un monument pour ses victimes, vous l'entendrez également. Et c'est jeudi, vous en êtes habitué, la chronique sur le droit des enfants est au rendez-vous, bienvenue. Bon après-midi encore, bonne gouvernance pour débuter cette édition l'ONG locale, Parole et Action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités par SEM demande au cadre de déclarer leurs biens pour lutte contre la corruption. C'est dans un point de presse animé ce jeudi. Faustin Ndikouman, directeur national de la Parsem, fait savoir que le non-respect de la loi et l'ingérence de certains cadres dans des marchés publics relèvent la corruption. Faustin Ndikouman demande au gouvernement de faire des actions concrètes. Faustin Ndikouman. Le gouvernement, les autorités doivent déclarer leur bien. C'est la loi qui les impose. La Constitution, en son article 5. Est claire. La loi anticorruption en son article 29, elle est claire. La loi de la Cour suprême en son article 38, elle est claire. La loi de la Cour suprême avertit même que des poursuites judiciaires peuvent être lancées contre ceux qui n'appliquent pas ça. Je ne sais pas si actuellement les membres du gouvernement savent qu'ils s'exposent à des poursuites judiciaires s'ils ne se conforment pas à cette règle. La gestion des conflits d'intérêts, des incompatibilités. On ne peut pas être en cadre dans l'État, on s'arroge pour accéder au marché public sans transparence. C'est le cas flagrant, c'est le cas de la vice-présidente du Sénat. On devrait mener une enquête pour voir dans les marchés publics, et par exemple, quelles sont les sociétés qui ont accès au rassemblement pour s'approvisionner comme grossiste. Parce que c'est de la margade. Vous êtes au cadre, vous percevez des salaires de l'État, jeté, et vous voulez être l'opérateur économique, vous vous arrogez le droit d'accéder au marché public, parce que l'État, sur toutes ses promesses, demande des services. Les exonérations indues, il y a certains qui accèdent aux devises sur le marché préférentiel de la BRB. Les conflits d'intérêts, les incompatibilités, si on ne gère pas les sphères de l'État, la situation s'empire. Les donations des cadeaux, ça, il y a une odeur de corruption. La transparence budgétaire, la gestion du budget. Si on gère mal, on continue à se raccourir douce. Si le gouvernement est engagé, il faut des actions concrètes. Faustin Ndikouman, directeur national de la Parsem, et analyse ce jeudi du projet de loi portant révision de la loi régissant l'Office burundais des recettes. Aubert, le ministre des Finances, précise que certains articles de cette loi nécessitaient une révision pour le bon fonctionnement. Il indique qu'il y a des dispositions qui ont été supprimées, dont l'article 43 qui stipulait que le commissaire général doit être en étranger. Domitien Ndiokougaï. À part l'ancien projet de loi, il y a des projets de loi constitués de diverses idées sur certaines règles dont leur révision était nécessaire. Par exemple, toutes les recettes récoltées par l'OBR ne peuvent être transmises que dans le trésor public. Certains doutes peuvent surgir, pensant que l'OBR peut s'octroyer le droit de mettre de l'argent à part avant de verser ses recettes dans le trésor public, ce qui est négatif. L'OBR, avec la collaboration des organes administratifs, reçoit des fonds du gouvernement pour mener ses opérations. Ce projet de loi exclut l'accès au crédit à l'OBR. Un autre exemple, c'est l'article 43 de la Constitution actuelle qui remplace l'ancien article qui exigeait que le commissaire de l'OBR devait être un étranger. Dans ce nouveau projet de loi, il y a plusieurs articles portant sur différentes activités quotidiennes de l'OBR qui ont été remplacés pour améliorer le bon fonctionnement de l'office. Thank you. Justice et le renforcement des capacités, discipline et l'éthique et la déontologie des avocats sont parmi les sujets que le deux barreaux des avocats vont étudier, comme l'a indiqué Jean de Dieu Mouzengue, bâtonnier du barreau de Bujumbura, lors d'une conférence de presse de ce jeudi. C'est au moment où le vendredi débutera la rentrée de l'année judiciaire 2021-2022. Jean de Dieu Mouzengue. Le contexte qui a fait que les deux barreaux ensemble organisent cette rentrée judiciaire vise à répondre à plusieurs questions qui s'opposent, qu'on s'oppose et auxquelles on voulait apporter des solutions. Il s'agit notamment des questions qui concernent le bon fonctionnement de la magistrature et surtout de la manière dont la profession d'avocat est exercée ici au Burundi. Nous avons constaté qu'il y a des questions qui nous hantent tous et qui ne peuvent trouver d'autres solutions qu'une fois que nous sommes ensemble et que nous agissions main dans la main. Il s'agit notamment des questions en rapport avec la formation des avocats. Les bâtonniers, les conseils de l'ordre ont un regard sur la manière dont les avocats exercent la profession, sur la manière dont les avocats agissent dans leur vie privée tout comme dans leur vie publique. Il en est même de la discipline des avocats. Nous avons jugé bon qu'on arrête ensemble des stratégies pour asseoir une discipline de fer, parce qu'un avocat qui ne respecte pas les règles d'éthique et de déontologie n'en est pas un. Raison pour laquelle c'est une question qui nous préoccupe énormément et que nous avons jugé bon de trouver des solutions étant ensemble. Justice transitionnelle à présent. Les habitants de la commune Rusakase dans la province Mwaro sont prêts à accorder le pardon à toute personne qui le voudra. Parmi les assassins de 19, 72, cela a été dit hier au moment où la commission Vérité et Conciliation débitait la deuxième phase de localisation des fosses communes dans lesquelles sont enterrées les victimes des tueries de 19, 72. Ces habitants demandent à la commission Vérité et Conciliation de construire un monument pour ces victimes. Ephraim Chida. Certains des habitants de la commune Rusaka de la province Mwaro font savoir que les forces de l'ordre de cette époque finissent sur les collines prendre les hommes de l'ethnie Hutu en disant qu'ils vont au renforcement de la paix. Mais en définitive, toute personne qui partait, il n'y avait pas la chance de revenir. Ils ont commencé à dire qu'il y avait irruption des animaux qu'on appelle les Murere à Rumonge. Par après, ils venaient à chaque colline, y compris celle de Gasenyi, pour prendre certains des hommes de ces localités en disant qu'ils vont au renforcement. On prenait seulement les hommes Hutu et ces derniers ne revenaient plus. Ces habitants de la province Mwaro demandent à la commission Vérité et Réconciliation de construire un monument pour ces victimes innocentes et que leurs familles soient assistées. Ces habitants demandent en outre qu'ils sachent ceux qui ont tué les leurs pour que ces derniers demandent le pardon devant Dieu, car pour eux, ils sont prêts à leur pardonner. Nous voudrions qu'on construise un monument pour ces victimes et s'il est possible, il faut qu'on donne une assistance à nous qui sommes les membres de leur famille. Qu'ils aillent s'agenouiller devant Dieu pour demander pardon. De ma part, je leur accorde un pardon, car si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas aussi pardonné. La situation étant ainsi, au moment où nous sommes le crédit 8 septembre, la commission Vérité et Réconciliation a débuté la deuxième phase de recherche fausse commune des gens tués en 1972 dans la province Mwaro. Merci à Ephraim Chida de Mwaro à Ngozi. De la justice traditionnelle à la santé, toutes les salles de cinéma et films sont provisoirement fermées dans la ville de Ngozi depuis ce mardi dernier. L'administrateur de la commune Ngozi fait savoir que cette mesure a été prise pour freiner la propagation de la COVID-19 qui est à une allure inquiétante dans la commune de Ngozi ces derniers jours. Joseph Martin Boutoumi, administrateur de Ngozi, indique que les propriétaires de ces salles qui ne respecteront pas cette mesure seront sanctionnés des amendes. À la fermeture définitive des salles depuis Ngozi, Londres à Sabamagar. Toutes ces mesures se sont prises dans le deux communiqués consécutifs rendus publics ce mardi le 7 septembre 2021 par l'administrateur de la commune Ngozi. Dans le premier communiqué, Joseph Martin Boutchoumi a exigé la fermeture provisoire des salles de cinéma et films jusqu'à nouvel ordre. Toute personne qui ne respectera pas cette mesure se verra infligée d'une amende de 100 000 francs. La décision va s'accompagner avec le saisie définitive de tous les matériels utilisés et la salle sera définitive définitivement fermé. Le second communiqué sorti le même jour, l'administrateur Joseph Martin a indiqué que la pandémie de coronavirus est devenue recrudescente dans la ville d'Ngozi dans ces derniers jours. Les auteurs de la propagation de ce virus sont des personnes qui le portent et qui fréquentent toujours dans les milieux publics sans même respecter les mesures barrières prises par le gouvernement et le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Ils demandent aux personnes infectées de rester toujours confinées dans leur ménage jusqu'à la guérison définitive. Celui qui sera attrapé sera considéré comme étant le propagateur volontaire du virus et cela est puni par la loi. Ces deux communiqués consécutifs, l'un numéro 170/2021 et l'autre 171/2021, rappellent à la population de la ville de Ngozi de toujours se laver 20 fois les mains avec de l'eau propre et du savon et de porter les masques, surtout dans les espaces publics. Nous avons cherché à maintes reprises les professionnels de la santé à Ngozi pour savoir la situation actuelle du virus, mais en vain. Depuis Ngozi, Longin Asamagara, RSF, Bonesha FM. Radio associative indépendante Vonesha FM, vous nous captez au 102.4 depuis Manga, 96.8 depuis Bujumbura et 87.7 depuis Inandegwe. Le journal continue. Bref, sportive, l'athlète bondaise Francine Nyonsava a remporté la médaille d'or hier dans le tournoi Diamond League de Zurich en Suisse sur 7000 mètres. Francine Nyonsava s'est imposée avec 14 minutes 28 secondes, quatrième victoire consécutive de cette athlète bondaise née en 1993 à Nyanganda, c'est dans la province Ruigi. Grâce à ce sacre, elle valide son ticket pour les championnats du monde d'athlétisme de 2022. Une belle revanche après qu'il soit empêché de s'aligner sur sa distance fétiche de 800 mètres après une courte pause chronique sur les droits des enfants. Je vous le disais, un petit la chronique sur les droits des enfants de ce jeudi nous mène chez les enfants en situation d'ori qui font savoir que la séparation de leurs parents et la pauvreté dans les familles sont les principales causes qui poussent ces enfants à errer dans les rues. Et de l'autre côté, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, dit que la pauvreté est la cause majeure de l'augmentation des enfants en situation de rue. Ce dernier temps, il se remarque une augmentation des enfants en situation de rue. Certains des enfants nous racontent les raisons qui les a poussés à être dans la rue. La raison qui m'a poussé à être dans la rue, c'est la séparation de mon père avec ma mère. Ma marâtre a commencé à me maltraiter et je suis parti et j'ai quitté la maison pour la rue. Mon père est revenu chez moi à la maison et il a commencé à me maltraiter aussi et je suis parti. À la maison, nous n'avons rien à manger. Nous errons comme ça, moi et mes frères en mendiant. Moi, je demande de me venir en aide parce que cette vie est difficile. Et celui-ci explique qu'on lui a menti qu'il a trouvé le travail à Bujumbura et ils l'ont abandonné. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi et a proposé à ma mère de m'amener à Bujumbura pour chercher du travail. Arrivé à Bujumbura, ils m'ont dit qu'ils vont chercher des habits pour moi, mais ils ne sont plus revenus. Nous, depuis ce temps-là, j'ai commencé à vivre cette vie de la rue. Il y en a aussi ceux qui sont amenés pour vendre de l'eau et des beignets et après quoi, ils sont laissés à eux-mêmes. À la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB soutient que l'effectif des enfants en situation de rue ne cesse d'augmenter par rapport à l'an 2011, comme le précise Ferdinand Namahungiro, coordinateur national à la FENADEB. C'est vraiment une réalité. L'effectif des enfants en situation de rue continue à gonfler. D'abord, l'enfant est en situation de rue parce que peut-être il y a des causes. Généralement, c'est la pauvreté des familles, c'est la pauvreté des ménages, c'est la pauvreté des communautés. Quand la famille est pauvre et qu'il ne parvient pas à faire scolariser son enfant, à faire nourrir son enfant, c'est que l'enfant abandonne l'école. Et quand il abandonne l'école et qu'il n'a pas à faire au niveau de leur communauté, il pense qu'il pourra trouver mieux, il pourra vivre dans les bonnes conditions quand il va en ville. Et arrivé en ville, il ne trouve pas à faire il est obligé de vivre en situation de rue. Et là, alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est de voir comment, du niveau national jusqu'au niveau provincial, comment éradiquer ce phénomène enfant en situation de rue. Vous saurez qu'en 2011, l'effectif des enfants en situation de rue était de 3 000, tandis que cette période, ils sont à 7 000 et les 5 000 enfants sont en mairie de Bujumbura. Actualité internationale. À l'actualité internationale, la CEDEAO, communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a suspendu la Guinée-Conakry dans ses organes de décision sans évoquer dans l'immédiat des sanctions économiques. C'est suite au putsch du 5 septembre dernier. Afghanistan, après l'annonce par les talibans du gouvernement intérimaire composé exclusivement des membres du mouvement islamique et sans femme, des manifestants ont abattu le pavé dès hier pour exprimer leur désaccord à Kaboul, la capitale afghane, contre ce gouvernement taliban. Et toutes les activités sont paralysées dans la ville d'Ouvira et en chef-lieu de Bavira depuis le matin de ce jeudi. Des jeunes placent des barricades depuis tôt le matin dans différents endroits de la route nationale numéro 5 et sur l'avenue du Congo. Contactés, certains jeunes manifestants font savoir qu'ils manifestent leur mécontentement suite à la désignation d'un Munyamulenge pour succéder à son père comme chef de groupement de Bijumbo. 13h30, point final à cette édition de la mi-journée. Merci pour votre fidélité. Merci à toute la rédaction de la RSF Bonesha FM. Merci à Billy Rodrigue Nabandana qui était de l'autre côté vitré. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayehura et un bon après-midi.